joyeuse journée. Ce nénuphar est ma foi très confortable et l'eau du lac est tellement calme. Oui, c'est vrai. Quel bonheur. J'ai d'ailleurs même pas besoin de ramer. Tout est si paisible. Pose tes rames, ma buse, et laissons-nous dériver tranquillement au gré du courant. Nos deux souris se sont maintenant éloignées du rivage et leur embarcation file doucement sur le lac. Mais voilà qu'apparaissent au loin de gros nuages noirs masquant le beau soleil d'été. Dis donc, Nimbus, le ciel s'est brusquement obscurci. Tu as vu tous ces nuages? Oh oui, nous ferions peut-être bien de rentrer. J'ai l'impression qu'un orage se prépare. Nimbus prend les rames et s'apprête à pagayer vers la rive. Mais un petit vent se lève et l'eau du lac, jadis si sereine, se met à clapoter doucement, faisant balancer légèrement le nénuphar. Nimbus, pressons-nous! Tout ceci commence à m'inquiéter! Oh, Is! Ah, oh, Is! Ah, je voudrais bien, Mirette, mais le vent est contraire et nous entraîne vers le large! Oh, Is! Oh, Is! Maintenant, je vais t'aider! Passe-moi une rame! Peut-être qu'à deux, nous y arriverons mieux! Mais désormais, le ciel est devenu noir et inquiétant. Le vent se transforme bientôt en bourrasque. Et sur le lac, des vagues menaçantes apparaissent, entraînant, malgré l'effort des deux souris, la frêle embarcation loin du rivage. Secoués, balancés de tous côtés, Nimbus et Mirette résistent et, accrochés à leur rame, luttent de toute leur force contre la tempête. Nimbus, j'ai peur, qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas nager. Accroche-toi bien, Mirette, et rame le plus fort possible. Oh, Is! Oh, mais que c'est dur, oh mon Dieu! Oh, ma rame vient de se casser! En effet, une vague plus puissante a brisé la rame que tenait Mirette, et le nénuphar semble d'un seul coup entrer dans une danse démoniaque, tandis qu'un terrible orage éclate. Les éclairs zèbrent le ciel et une violente pluie s'abat sur le paysage jusqu'alors si paisible. Au secours! Nous allons chavirer! Viens, mon Mirette! Attention, Nimbus! Nous allons droit vers ce gros rocher! Je ne peux rien faire! Il est trop tard! Vite, sautons à l'eau! Et nos deux amis, ayant plongé dans le lac, s'accrochent désespérément à une branche passant à leur hauteur, tandis que leur fragile embarcation se disloque contre le rocher. Et les voilà entraînés, au gré des flots déchaînés, vers le milieu du lac. Comment allons-nous nous en sortir, Nimbus? Mes forces commencent à diminuer. Oh, je pourrais pas tenir très longtemps. Courage, Mirette. Il me semble apercevoir devant nous le rivage et le courant nous emporte vers lui. En effet, ballottés par les vagues, mais fermement cramponnés à leurs branches, les deux souris se dirigent vers la rive où se profile une petite plage de sable fin. Soudain, une vague plus puissante les projette sur la plage où nos deux amis, ayant lâché la branche, atterrissent brusquement. Ouf, Mirette, nous voilà sains et saufs. Oui, oh, j'ai bien cru que nous allions nous noyer. Mais Nimbus, où sommes-nous? Oh, je ne sais pas du tout, Mirette. Mais vite, ne restons pas là. Allons nous réfugier sous cet arbre en attendant que la tempête cesse. Mirette et Nimbus courent se mettre à l'abri sous un grand chêne et regardent avec inquiétude et désappointement la pluie tombée. Mais déjà, le ciel semble s'éclaircir et bientôt, un rayon de soleil fait son apparition. Le vent ayant chassé maintenant les nuages vers d'autres horizons, un certain calme renaît. Le lac et toute la nature environnante retrouvent peu à peu leur tranquillité, tandis que désormais le ciel, redevenu bleu, laisse passer largement un beau et franc soleil. Mais un paysage de désolation s'offre aux yeux de nos deux souris. L'ouragan a tout dévasté sur son passage. Partout, ce n'est qu'un amas de branches cassées, d'arbustes déracinés, de fleurs couchées. Eh bien, quelle tempête! Tu as vu ça, Nimbus? Tout est ramassé! En plus, nous ne savons même pas où nous nous trouvons. Bon, Il faut nous remettre en route, Mirette. Nous allons bien croiser quelqu'un qui saura nous renseigner. Oui, tu as raison, allons-y. S'apprêtant à quitter le rivage, les deux souris s'avancent vers le fond de la petite plage quand soudain, elles entendent chanter. Et voilà qu'apparaît une colonne de fourmis marchant d'un bon pas. Cette colonne, alors vous deux, que faites-vous donc par ici? Je vous ai encore jamais vu. Savez-vous que vous êtes sur notre territoire? Excusez-nous, commandant, nous sommes perdus, surpris par la tempête. Nous avons échoué sur cette plage et nous ne savons pas où nous nous trouvons. Ah bon? Dans ce cas, je vais vous l'indiquer. Vous êtes sur l'île de Pantol, qui se trouve au milieu du lac. Mon Dieu! Une île! Mais comment allons-nous pouvoir rentrer à la maison? Ah, en effet, ceci paraît bien un compromis dans l'immédiat. J'ai une idée, Mirette. Il suffirait de construire un radeau. Oui, mais comment et avec quoi? Il faut trouver du bambou, des lianes. Il n'y a rien de tout ça ici. Écoutez, je sais où trouver tout ceci. Mais ce ne sera pas facile, car c'est à l'autre bout de l'île. Oh, c'est pas un problème. L'important, c'est que nous puissions quitter cette île et rentrer chez nous. Ah, de problème, pas de problème. On voit que vous ne connaissez pas le coin. Pour arriver de l'autre côté de l'île, il faut traverser un marais sinistre où courent de nombreuses légendes maléfiques. Personne n'ose s'y aventurer. Mon neveu, ce qu'allons-nous faire? Oh, mais de toute façon, nous n'avons pas le choix, Mirette. Il faut y aller. Bon, vous m'êtes sympathique. Je vais vous aider. Soldats Sanson, sortez du rang. C'est notre meilleure guerrière. Elle va vous accompagner et ainsi vous montrer le chemin. Oh, merci, commandant. C'est vraiment gentil à vous. Bon. Ne traînez pas en route et surtout, prenez garde en traversant le marais. Au revoir, commandant. Et encore merci. Allez, bonne chance. Compagnie, nous repartons. En avant. Halt. Un, deux. Nous sommes le peuple des fourmis, heureux et fiers de notre patrie. Avec la reine, nous serons à la grandeur de la nation. Un, deux. Et tandis que la colonne de fourmis se remet en route, disparaissant derrière de grosses pierres, les deux souris, précédées de Sanson, leur guide fourmi, se dirigent vers le fond de la plage et disparaissent bientôt à leur tour sous une végétation touffue. Traversant de hautes herbes, escaladant des rochers, franchissant de petits ruisseaux, nos trois compagnons, marchant d'un bon pas, parcourent ainsi une longue distance dans un environnement agréable. Mais arrivés au sommet d'une colline, un paysage hostile et inquiétant s'offre à leur vue. Une large bande de terre marécageuse, enveloppée d'une brume grisâtre d'où seuls quelques rares arbres dénudés semblent émerger. Fin de la deuxième partie. Voici donc Nimbus et Mirette échoués sur cette île. Et construire un radeau ne semble pas chose si facile. Aidés de Sanson, la fourmi, ils viennent d'arriver dans un endroit inquiétant. Ça ne présage rien de bon. Alors, que décides-tu? Veux-tu écouter le troisième chapitre maintenant ou bien y revenir un peu plus tard?